Mohan se retrouve dans une chambre où il s'endort. Il est réveillé par deux hommes qui accrochent aux fenêtres des lanternes vénitiennes et disposent des habits de fête dans sa chambre en lui recommandant de les revêtir pour le dîner. Le soir, Mohan écoute de toutes ses oreilles pour surprendre le secret de cette fête étrange.